Bienvenue à toutes et à toutes sur Radio Fagette dans votre nouvelle émission Mission Impossible. Mission Impossible est une émission dans laquelle les agents Gaëtan... Bonjour Gaëtan. Bonjour Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Justine. Bien le bonjour Bertrand. Et moi-même, tous les trois élèves à l'ENSIC à Nancy, vous expliquent à chaque émission comment fonctionnent trois ou quatre phénomènes physiques ou chimiques par le biais de questions-réponses qui vous ont été posées et auxquelles vous avez répondu. L'ENSIC est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy dans laquelle on nous apprend le génie des procédés. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais en quelques mots, le génie des procédés, c'est l'ensemble des méthodes qui vont nous permettre de transposer ce qu'il se passe dans les laboratoires aux grosses échelles de l'industrie. L'ENSIC nous forme sur de nombreux domaines, dont la biotechnologie, l'environnement, le traitement du pétrole, etc. Dans le programme d'aujourd'hui, nous parlerons d'isolation. Il en existe de nombreux types, mais aujourd'hui, nous parlerons d'isolation thermique, celle qui vous permet d'enlever votre manteau rembourré en rentrant chez vous en plein hiver. Ensuite, nous parlerons des traces noires que vous pouvez parfois voir au-dessus de vos radiateurs, sur les murs ou sur les plafonds, qui n'ont pas forcément l'origine à laquelle vous pouvez penser. Ensuite, nous verrons pourquoi la mer est bleue. Parce que c'est bien beau de s'y baigner, mais vous comme moi, on voit à travers et elle nous semble transparente. Alors, soit on doit tous aller voir un ophtalmo, ce qui n'est pas complètement possible, soit il se cache quelque chose. Puis, nous parlerons des poissons, et surtout de leur façon de respirer. On a tous déjà vu des poissons, mais comment font-ils pour respirer sous l'eau? Nous vous avons déjà posé ces questions, et vous y avez répondu. Alors, aviez-vous la bonne réponse? Il est grand temps de le savoir. Alors Gaëtan, qu'est-ce que l'isolation thermique? Eh bien Bertrand, je te propose d'écouter en premier lieu les réponses que nous avons recueillies lors de notre micro-trottoir. Ouais, je pense que c'est le matériau plutôt qui va déterminant, voilà. Je crois que ça se passe... Si dans le matériau, il y a de l'air entre, l'air est isolant. Donc plus on a un matériau avec des alvéoles, par exemple, plus c'est isolant. Un peu pareil. Après, comme matériau typique, la laine de verre, je connais. Après, il y a des genres de mousse ou alors faire des cloisons, des doubles cloisons. Fin... Il y a plusieurs types d'isolation. Le chanvre, la laine de verre. J'imagine parce que il conserve bien l'humidité. Moi je pense pour isoler une maison, on utilise des matériaux isolants, je sais pas, comme de la laine de verre ou du polystyrène. Enfin, j'y connais pas grand chose en ça, mais il y a des fois j'avais vu un reportage où ils mettaient du vide entre les murs pour mieux isoler. Après, j'en sais pas vraiment plus. Mais... Ces réponses sont très intéressantes. Et voilà comment nous, agents de Mission Impossible, répondons à la question. On peut définir l'isolation thermique par le moyen de réduire la propagation de la chaleur entre un point chaud et un point froid. On peut avoir pour cela recours à un matériau isolant thermiquement. Il faut savoir que la chaleur part toujours de la zone chaude pour rejoindre la zone la plus froide et ainsi tendre à une uniformisation de la température. Pour bien isoler, on joue sur l'épaisseur du matériau isolant. Plus l'épaisseur est importante et plus la résistance thermique de l'installation, c'est-à-dire sa capacité à retenir ou bien empêcher la chaleur de pénétrer dans votre habitation, est importante. Mais en fait, pour bien comprendre, qu'est-ce que représente la chaleur? On parle de chaleur de façon courante, mais comment la physique la définit-elle? Eh bien, il faut s'imaginer que la chaleur, c'est le déplacement d'une énergie thermique. Alors ne vous inquiétez pas, l'énergie thermique, c'est pas bien difficile à comprendre. C'est ce qui fait que vous ressentez un réchauffement lorsque vous passez près d'un feu de cheminée ou lorsque vous passez la main au-dessus d'une plaque de cuisson chaude. Donc la chaleur va avoir tendance à se déplacer dès qu'il y a une différence de température. Et voici comment l'isolation agit sur elle. On peut poser la situation suivante. Nous sommes en plein mois de décembre à Nancy, et à l'extérieur la température avoisine les 2 degrés. Vous êtes tranquillement au chaud dans votre salon, et vous réussissez à le maintenir à environ 20 degrés. Ce qu'il va se passer, c'est que la différence de température entre votre salon et l'extérieur va donner envie à la chaleur, et donc à l'énergie thermique, de se déplacer vers l'extérieur pour lui amener donc de la chaleur. Or, pour cela, elle doit notamment passer par les murs qui possèdent une résistance thermique, c'est-à-dire une capacité à freiner et plus ou moins empêcher le transfert de chaleur. C'est comme si l'on mettait des haies devant un coureur de 110 mètres haies. Si on lui pose une haie de petite taille, il la passera sans problème. En revanche, si on lui fait faire face à une haie qui est trop haute, il ne pourra pas l'enjamber. Donc la chaleur est une énergie thermique qui se déplace en avançant de proche en proche dans les murs de votre maison, et elle est alors confrontée à une multitude de haies, plus ou moins grandes en fonction de l'épaisseur, qui vont l'empêcher de continuer son parcours. Pour l'anecdote, nous avions eu une bonne réponse lors de notre micro-trottoir. De paramètres, l'épaisseur des parois et la nature du matériau qui fait la conductivité thermique. Et c'est avec ça que ça fait la résistance. Donc plus c'est épais, plus ça protège. Et plus le matériau est isolant, par exemple le bois et la pierre, ça peut être pareil, mais plus ça va isoler. Très bien. On voit que l'isolation passe énormément par les murs de nos maisons et donc leur type de matériaux et leur épaisseur. Mais si on veut profiter de la lumière du jour sans craindre ni le chaud ni le froid, il faut que nos fenêtres soient aussi de bons isolants thermiques. Pourquoi alors nous conseille-t-on d'avoir du double vitrage pour cela ? Eh bien en fait, pour vous expliquer, la technologie du double vitrage consiste à insérer une couche d'air entre deux vitres. Et cette idée est très intéressante car les capacités de résistance thermique du verre et de l'air vont s'additionner. Comme l'air a une meilleure résistance au passage de la chaleur, il est plus intéressant de le placer entre deux vitres pour empêcher la chaleur de quitter votre maison plutôt que de poser un gros bloc de verre à votre fenêtre. D'ailleurs, pour vous rendre compte que l'air est un bon isolant thermique, il faut vous imaginer la situation où vous placez votre main dans votre four chaud, vous ressentez juste une forte sensation de chaleur, mais vous ne vous brûlerez que si vous touchez l'armature du four ou bien une plaque de cuisson. C'est pour cet avantage que l'air est utilisé dans le double vitrage. Merci beaucoup Gaëtan. Donc, si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe. L'isolation repose sur le fait de mettre un obstacle entre deux endroits qui ont une chaleur différente. Et plus l'obstacle est dur à franchir, mieux ça fonctionne. C'est bien ça ? Oui, c'est cette différence de température qui va faire bouger la chaleur. Et certains matériaux isolent mieux que d'autres, d'où l'utilisation de l'air comme dans un bon nombre d'installations d'isolation thermique. Merci beaucoup. Afin de ne pas faire surchauffer nos cerveaux, une pause s'impose. On se retrouve tout de suite sur Radio Phagette après le titre By the Way de Red Hot Chili Peppers. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, bunker. Skin that thing, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not on strike, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solver, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. Kissing in the moonlight, kissing in the moonlight. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I know you from before. glow by the way I tried to say I'd be there waiting for. Bon retour à tous sur Radio Fagette. Nous sommes en plein cœur de votre émission Mi-Science Impossible et Gaëtan venait, juste avant la pause, il y a quelques minutes, de nous expliquer comment fonctionne l'isolation. Si vous avez manqué ça, n'hésitez surtout pas à venir écouter les parties manquantes de l'émission sur le site de Radio Fagette. Tout de suite, Gaëtan va continuer à nous parler d'isolation, un phénomène qui va en intéresser plus d'un avec l'arrivée du froid. Oui Bertrand, et pour cela j'ai choisi un angle un peu particulier. Est-ce que autour de la table, là, vous avez déjà noté la présence de noirceur à votre plafond, sur vos murs ou autour d'un radiateur par exemple? Oui, souvent dans ma salle de bain ou même dans ma chambre, souvent on doit repeindre de temps en temps. Ouais. Pour ma part, j'ai rien remarqué. Eh bien, nous avons aussi interrogé des personnes lors de notre micro-trottoir et certaines d'entre elles rencontrent aussi ce problème. Voici leurs explications. Moi, surtout dans la salle de bain, c'est une histoire d'humidité, la moisissure qui se crée par l'humidité. J'ai aussi de la salle de bain parce que c'est le lieu plus humide, surtout avec la douche, et qui est plus difficile à aérer puisqu'il y a plus de débit d'eau. Bah, en fait, chez moi, oui, j'ai des taches noires sur le plafond. Bah, je pense que c'est de la moisissure à cause de l'humidité, parce que bah, chez moi, je suis très mal isolé. Alors, du coup, ça doit être un manque d'isolation, je pense. Enfin, une très grande quantité d'humidité dans la pièce. Enfin, je pense que c'est ça, dans l'air, quoi. La piste de l'humidité qui nous a été évoquée est très intéressante et je la détaillerai dans ce qui va suivre. En fait, cela n'est pas nécessairement un problème d'infiltration d'eau, mais ce que l'on appelle un pont thermique. Et ces moisissures ne sont dues, tenez-vous bien, qu'à un phénomène de changement de température. Ce problème se pose souvent lorsque notre isolation est faite à partir d'une technique d'isolation dite par l'intérieur. Alors ne vous inquiétez pas, mais juste dans les grandes lignes, c'est une technique qui consiste à ajouter un panneau d'isolation sur les murs de votre maison avec des finitions en plâtre, le tout à l'intérieur. Le problème qui se pose avec cette technique est qu'elle favorise les ponts thermiques. Ce phénomène représente le fait que le passage de la chaleur, dont on a parlé dans la première chronique, au travers d'un matériau, est facilité par des imperfections dans certaines zones. Ce phénomène est encore plus amplifié au niveau des angles entre deux murs et le plafond, car les imperfections d'isolation ont plus de chances de s'y trouver. À cause du pont thermique, la surface intérieure de votre mur verra sa température s'abaisser naturellement alors que vous cherchez à garder votre habitat au chaud. Et l'une des premières conséquences de cela est l'apparition de moisissures dans ces zones. Alors, je veux bien, mais je vois pas pourquoi un léger refroidissement de mon mur va permettre à des bactéries de se créer. Eh bien, en fait, c'est là où on retrouve les réponses de notre micro-trottoir, c'est que le taux d'humidité de la pièce va augmenter. Il y a une diminution de la température du mur qui va mener à une condensation de l'eau présente dans l'air ambiant. Alors, la condensation de l'eau, c'est le passage de cette eau sous une forme gazeuse vers une forme liquide. On parle aussi de liquéfaction. Donc, la température de votre façade intérieure va diminuer jusqu'à arriver à la température de rosée. Cette température est celle qui correspond à l'apparition des premières gouttes d'eau liquide. La vapeur qui s'est condensée sur le mur refroidi par le pont thermique va constituer un milieu favorable pour l'apparition des moisissures. Nous comprenons donc que cela n'est pas dû à des débordements répétitifs de la baignoire du voisin du dessus, mais entre guillemets, à un simple changement d'état de l'eau. Les moisissures vont pouvoir proliférer si la température atteint la température de sporulation. C'est une température qui favorise la prolifération des micro-organismes et leur permet de développer leurs spores et donc des bactéries. On voit qu'en plus des pertes énergétiques dues au pont thermique, nous avons l'apparition d'insalubrité, comme les moisissures, qui peuvent provoquer des problèmes respiratoires chez certaines personnes. Ce phénomène est bien évidemment favorisé dans les pièces où l'humidité est déjà forte. Et pour maîtriser ce problème, on a des techniques d'isolation dites par l'extérieur qui sont maintenant très répandues. Elles permettent d'éviter ces ponts thermiques en créant ce qu'on appelle des murs manteaux. Du coup, les traces noires qu'on pense être causées par l'humidité dans les pièces de la maison, c'est pas juste dû à une mauvaise aération, mais bien à une mauvaise isolation thermique. C'est ça. Et il faut toujours avoir une température qui n'est pas favorable à la prolifération des bactéries pour être tranquille. Eh bien, merci Gaëtan. Alors, on a pas mal parlé de chaleur, mais je pense qu'il est temps de se rafraîchir un peu. Enfin, quoique, avec les températures qu'il y a actuellement à Nancy, c'est pas trop ça, mais bon. Préparez vos affaires, maillot de bain, parasol, crème solaire, et partons pour les plages paradisiaques de Tahiti. Ah, ces belles plages de sable fin, cette eau bleue cristalline. Attendez, bleue? Mais celle dans la bouteille d'eau, elle est transparente, non? Mais pourquoi la mer est-elle bleue dans ce cas-là? Justine? Eh bien, écoutons d'abord ce que vous en pensez. Les reflets des nuages, je crois, ou du ciel, ouais. Et par rapport au cycle de l'eau aussi, je croyais un truc comme ça, non ? Ah, j'aurais dit ça aussi, hein. Le reflet du ciel bleu, quoi. Il y a une partie de la lumière qui est réfractée et l'autre non. À cause des sels minéraux Enfin, on voit la mer bleue par le reflet du ciel bleu, mais souvent on la voit verte quand on voit mieux les algues. Donc, Je pense qu'à la base, l'eau, elle n'a pas vraiment de couleur, elle est transparente, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau, ultraviolet et les rayons bleus, de l'arc-en-ciel, je crois qu'ils sont renvoyés par l'eau. Et c'est peut-être pour ça que sur les plages, elle est bleue, parce que le ciel est souvent bleu. Eh bien, pour certains, vous n'êtes pas si loin de la bonne réponse, hein. Alors, pour faire simple, c'est un phénomène optique qui est dû à la lumière. En effet, si on prend de l'eau dans notre main ou dans un seau, elle est de quelle couleur ? Bien, elle est transparente, évidemment, comme tu l'avais dit, Bertrand. Pour faire un peu moins simple et un peu plus scientifique, non, ne paniquez pas, vous allez quand même comprendre. D'abord, de quoi est faite la lumière ? La lumière du soleil, ou une lumière artificielle blanche, est constituée de plusieurs couleurs. Celle de l'arc-en-ciel qu'on peut voir bien sûr dans le ciel. Soit, allez, on les énumère ensemble. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo. Et le petit dernier, est-ce que vous avez trouvé ? C'est le violet. Le mélange de toutes ces couleurs donne la lumière blanche. Mais alors dans l'eau, qu'y a-t-il ? Eh bien, des molécules d'eau évidemment, les fameuses H2O. Mais si, je suis sûre que vous avez vu ça pendant vos cours de SVT au collège ou au lycée. Ces molécules peuvent absorber certaines couleurs de la lumière ou au contraire les renvoyer. C'est-à-dire que quand la lumière vient frapper une molécule, elle va comme manger certaines couleurs et on ne les verra plus. Ou bien elle n'en veut pas de cette couleur et celle-ci rebondit sur la molécule. Ce sont donc celles qui rebondissent que notre œil va voir. Mais revenons-en à notre eau de mer et notre soleil. Vous savez qu'au moins que la mer n'a pas la même profondeur partout. Eh bien c'est également selon la profondeur qu'une couleur va être ou non absorbée, car chaque couleur a ses propriétés physiques. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne voit que le bleu et pas les autres couleurs ? Eh bien, le bleu est une couleur qui n'est pas facilement absorbée, les molécules d'eau n'aiment pas trop la manger. En effet, quand la lumière va rentrer dans l'eau, les molécules de faible profondeur vont d'abord absorber ce qui est rouge et jaune. Si vous soustrayez ces deux couleurs à la lumière blanche, il reste principalement, eh bien, le bleu, qui va nous être renvoyé. Notre bleu n'est absorbé que par des molécules très profondes, et à une profondeur bien supérieure à notre échelle de vacancier qui regarde la mer depuis la plage, je peux vous en assurer. Mais peut-être avez-vous remarqué qu'à certains endroits, elle peut paraître plutôt verdâtre ? En fait, ce qui peut faire que l'eau paraît verte, notamment sur les côtes, c'est dû à la production biologique qui peut s'y trouver. Par exemple, à cause des phytoplanctons, vous savez, ces très petites créatures que mangent les baleines. Ceux-ci contiennent de la chlorophylle, vous savez, ce pigment vert qu'il y a dans les plantes. Et bien, contrairement à l'eau, la chlorophylle va absorber très facilement ce bleu, et au contraire, faire rebondir le vert. C'est pour ça que nous voyons nos plantes vertes. Finalement, la couleur que voient nos yeux est la couleur qui n'est pas absorbée, mais qui va rebondir sur tel ou tel objet ou matière. Suite à cette marée d'informations, nous vous invitons à prendre une petite pause musicale avec Calogero et Passy et leur titre Face à la mer. On se retrouve juste après sur Radio Fagette. On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Et en treillis dans le conflit et prier le très haut. Fils du CO. NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Tous deux la même balle et tous deux déçus. Cesse de semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a l'état profond et l'état à côté. L'état pas un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'état, les RMistes, l'état qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air particulaire. Face contre terre, ton nom sur la liste. brume qui s'étouffe dans le goudron. Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action. Face à la mer, ouais. J'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. On bouge la même dalle, on est tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. De la même dalle, on vise tous deux au-dessus. La couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château. Quand on tire des taux, laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en prix, dans le conflit est prié très haut. L'ICCO, NGO, cette NGO, MJCRO. J'ai quoi les mots. Face à la mer, on veut tous grandir. Calopatie, trop jeune pour mourir. Et bon retour à tous sur Radio Fagette. Nous sommes en plein cœur de votre émission Mi-Science Impossible et Justine venait juste de nous expliquer la raison pour laquelle nos mers sont bleues. Si vous avez manqué ça, n'hésitez pas à venir réécouter les parties manquantes de l'émission sur le site de Radio Fagette. Nous sommes maintenant fin prêts à plonger la tête la première sous les flots pour répondre à cette fameuse question « Comment respirent les poissons ?» Et c'est vous qui allez nous dire comment ça se passe. Ils ont des branchies qui permettent qu'ils respirent. Non, je ne sais pas, ils ont des petites branchies. Par leurs branchies, qui filtrent l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Grâce aux branchies qu'ils ont sur le côté et sur la gorge. Par les branchies, parce qu'en fait, je crois que c'est les molécules d'eau qui ont l'oxygène. Avec l'eau qu'il y a dedans, ils séparent l'oxygène qui... Enfin, ils avalent l'eau par les branchies et l'oxygène, ils les séparent à l'intérieur de leur corps. Bah, les poissons, ils respirent avec des branchies. Et oui, on va s'intéresser un petit peu à la respiration des poissons, car elle est différente de la nôtre. En effet, nous, les mammifères terrestres, captons le dioxygène de l'air, ou O2, gaz indispensable à la vie, lorsque nous inspirons grâce à nos poumons, et ce O2 peut ensuite diffuser vers le sang. Nos poumons permettent donc de faire rentrer le dioxygène qui nous est essentiel, de l'air jusqu'à l'intérieur de nous, pour que nos muscles l'utilisent. Or, comme vous le savez, les poissons ne sont pas dotés de poumons, ni ne vivent dans l'air. Mais heureusement pour eux, l'oxygène se trouve aussi dans l'eau, sous forme dissoute cette fois-ci, car eux aussi en ont bien besoin pour vivre. Alors maintenant, petite expérience. Si vous êtes chez vous et que vous avez un poisson rouge, regardez-le quelques secondes. Vous ne trouvez pas qu'il ouvre et referme la bouche très fréquemment ? Il se trouve effectivement qu'en nageant, il ouvre et ferme la bouche de façon régulière. Et par la même occasion, ses opercules situés de chaque côté de sa tête s'ouvrent et se ferment également. C'est grâce à ce mécanisme qu'ils peuvent in fine capter le dioxygène. Je vais vous expliquer brièvement un peu plus en détail. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, l'eau riche en dioxygène va rentrer. Quand ils la referment, cela va entraîner l'eau vers l'arrière et ressortir par les opercules qui seront ouverts. Alors, dire simplement cela ne permet pas d'expliquer comment le dioxygène peut être capté. Il faut maintenant zoomer au niveau de ce qu'il y a sous les opercules. On y trouve les branchies qui sont souvent bien connues. Les branchies, proprement dites, sont en fait un ensemble de filaments très fins, soudés ensemble à la base. Dans ces filaments passent des capillaires, qui sont les plus petits vaisseaux sanguins existants, plus fins qu'un cheveu, rendez-vous compte. Après avoir parcouru tout le corps du poisson, le sang arrivant au niveau des branchies est pauvre en dioxygène, car il a été consommé. Ce dernier, qui est présent en grande quantité dans l'eau, va alors aisément pénétrer à l'intérieur des vaisseaux en passant au travers des branchies. Le sang repart alors riche en dioxygène pour aller approvisionner tout son corps. Et l'eau ressort, un peu appauvrie pour le coup en dioxygène, mais bon, de façon très négligeable vu la quantité d'eau dans la mer. Et voilà, votre petit poisson peut tranquillement continuer à nager sans se soucier de rien. Merci beaucoup Justine. Donc, si j'ai bien compris, enfin encore une fois, tu me corriges, si j'ai bien compris, les poissons peuvent respirer parce que leurs branchies sont en fait des filtres à oxygène, comme nos poumons sont pour nous, enfin nos filtres, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, Bertrand. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à notre quiz. Alors, fameux petit quiz de culture générale, c'est là qu'on va s'amuser. Donc, première question. À votre avis, laquelle de ces phobies n'est pas officiellement reconnue comme étant une phobie ? Première réponse. Réponse A, la peur fictive qu'un canard est en train de vous regarder. Deuxième réponse possible, la peur des étiquettes de parfum. Oula. La troisième, la peur des trous. Et la quatrième, la peur de la bière. Alors, okay. Alors moi je pense que les deux dernières sont reconnues comme phobie. Et celle qui m'a paru le plus étrange pour moi, c'est la première. T'en penses quoi, Justine ? Alors, celle des trous, je la connais aussi déjà, donc c'est pas ça la réponse. Mais ouais, la première me semble un petit peu bizarre aussi. Eh bien, détrompez-vous. La peur fictive qu'un canard est en train de vous regarder est officiellement reconnue, et ça s'appelle l'anatidaephobie. La peur fictive, elle est pas fictive celle-là. La peur de la bière, c'est la cervalophobie et elle est officiellement reconnue. Ouais, celle-là je la connaissais. Ne me demandez pas pourquoi. Entre étudiants, on se comprend. Ouais. Et accrochez-vous, la peur des étiquettes de parfum est elle aussi reconnue. C'est l'odolabellophobie. D'accord. Et donc, la peur des trous, la tripophobie, n'est officiellement pas reconnue comme une phobie. Pourtant, j'en ai entendu parler souvent, alors c'est bizarre. On en entend souvent parler, mais officiellement parlant, elle n'est pas dans la rubrique des phobies existantes. C'est peut-être pour ça qu'on en entend beaucoup parler, parce qu'il y a des gens touchés et justement, elle n'est pas encore reconnue. Ça doit être pour ça. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc, deuxième question, vous habitez à Nancy depuis combien de temps maintenant ? Bah ça, là, ça va faire un an, un peu plus d'un an. Ouais. Bah pareil, un petit peu plus d'un an. Un petit peu plus d'un an ? Bah, vous devez y connaître quelque chose sur Nancy maintenant. Alors, combien y a-t-il de musées à Nancy et... Lesquels ? Il y en a 6 ou il y en a 8 ? Bon allez, 6. Ouais, faut les nommer. Alors je les aurai pas tous. Il va y avoir le musée des Beaux-Arts. Il y a un musée Lorrain aussi. Et j'ai pas fait trop de musées, donc je vais pas m'aventurer plus loin. Justine ? Personnellement, j'étais allé voir le musée Aquarium aussi. Et c'est le seul à ma connaissance là. Vous en avez la moitié, parce que c'était effectivement 6 la bonne réponse. Il y a effectivement le musée des Beaux-Arts, le musée Lorrain, mais qui est actuellement fermé pour cause de rénovation. Il y a le musée de l'école de Nancy, le musée de l'histoire du fer, le musée aquarium et le jardin botanique. Et je rappelle à nos auditeurs que les musées sont gratuits à Nancy le premier dimanche de chaque mois. Et maintenant, on va passer à la question la plus intéressante, puisqu'elle concerne le terroir. Combien de temps est-ce qu'on passe à manger en moyenne par jour en France ? Moyenne ? Allez, 3/4 d'heure. Mm-hmm. Justine ? Alors le temps total par jour, c'est le ça ? Le temps total par jour, c'est ça. Si on compte le petit déjeuner, le goûter et le repas du soir, ça ferait au moins 2 heures. Plus les petits grignotages par-ci par-là, bon, c'est pas très bien, mais... je dirais 2h30. Mm-hmm. Après, à savoir qu'il y a une étude qui a montré récemment qu'il y avait beaucoup de gens qui sautaient des repas, donc à prendre en compte. Ouais, et effectivement, en moyenne, en 2016, on passait en moyenne 133 minutes par jour à manger, ce qui représente 33 jours et 17 heures par an. Et en moyenne, vous passerez donc environ 8 ans de votre vie à manger. Inversement, les États-Unis, c'est l'endroit où les gens passent le moins de temps à manger en moyenne, étant donné qu'en moyenne, ils passent 63 minutes par jour à manger. D'accord. C'est ainsi que s'achève la mission impossible du jour. Vérifions si les objectifs de la mission ont été atteints. Est-ce que nos auditeurs savent pourquoi la mer est bleue ? Oui. Oui. Savent-ils comment respirent les poissons ? Oui. Oui. Savent-ils ce qu'est la chaleur et comment on isole une habitation ? Oui. Oui, Bertrand. Nous vous remercions donc de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et à réécouter les différentes chroniques sur le site de Radio Fagette. Sur ce, on vous dit à dans 2 semaines, le vendredi 30, à 16h sur Radio Fagette, pour une nouvelle mi-science impossible.